Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit là, tout de suite et jusqu'à 14h avec Histoire Vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Cette semaine, la presse. New York Herald Tribune. De part et d'autre de l'océan. Demandez France, soir, Paris, Presse, Le Monde. Naissance d'un nouveau pouvoir. Is that really your idea of how to run a newspaper? I don't know how to run a newspaper, Mr. Beck. En 1495, deux ou trois canards étaient proposés chaque jour aux Parisiens. Beaucoup d'Américains, aujourd'hui célèbres, ont été autrefois vendeurs de journaux. Ainsi, Benjamin Franklin, Henry Ford... Quel nouveau modèle permettrait à la presse de vivre et qui veut encore payer pour des médias dits traditionnels alors que voici les réseaux sociaux d'accès gratuit. De l'indépendant de Littleton, journal hebdomadaire qui a plus de 60 ans d'existence. They are the fake, fake, disgusting news. La transaction est à présent officielle entre Christophe Blocher et Tamedia. Demandez le Figaro littéraire. That's enough. Chapitre 1er. Introduction de l'imprimerie dans les colonies anglaises de l'Amérique du Nord. Les États-Unis de l'Amérique du Nord sont le seul pays au monde où la presse périodique n'ait point eu à soutenir de luttes longues et pénibles, où elle n'ait point acquis l'influence et la popularité au prix de la persécution, où elle ait pris place de bonne heure et presque sans résistance dans les mœurs nationales. Aussi, est-ce la plus jeune des nations qui nous offre les journaux les plus anciennement établis. On peut dire que les Américains ont eu des journaux dès qu'ils ont pu les imprimer. La presse, dont les débuts ont été si laborieux en Europe, n'a guère rencontré, au-delà de l'Atlantique, d'autres obstacles à son développement que les difficultés matérielles, difficultés inévitables dans un pays nouveau où tout était à créer et où la politique jalouse de l'Angleterre, étouffant à dessein le moindre germe d'industrie, tournait opiniâtrement tous les esprits vers les occupations agricoles. Ce n'est pas sans surprise que l'historien voit apparaître les journaux dans les colonies anglaises dès les premières années du XVIIIe siècle. Les trois colonies de la Nouvelle-Angleterre comptent en tout 80 000 habitants. Et Boston, qui par le nombre de ses habitants, par l'activité de son commerce, par les ressources qu'elle offre, tient sans conteste le premier rang parmi les cités américaines, Boston ne compte pas plus de 8000 âmes. La population d'ailleurs n'est pas seulement clairsemée, elle est pauvre, privée des industries les plus indispensables. Le journal ne peut exister sans l'imprimerie, et il est facile de compter les presses qui fonctionnent alors sur le continent américain. En 1671, 64 ans après le premier établissement des Anglais dans la Virginie, le gouverneur Sir William Berkeley note dans un rapport « Grâce en soit rendue à Dieu. Nous n'avons ici ni école gratuite, ni imprimerie, et j'espère que nous n'en aurons point d'ici 100 ans. Car l'instruction a mis au monde l'indocilité, les hérésies et les sectes, et l'imprimerie a propagé avec tous ses maux les attaques contre les gouvernements. » Cependant, l'imprimerie n'est pas la seule condition indispensable à l'existence d'un journal. Un service de poste n'est pas moins nécessaire. À moins d'avoir une très grande ville pour berceau, le journal végète et étouffe au lieu où il a pris naissance, s'il n'a les moyens de se répandre au dehors et d'aller chercher au loin le curieux et l'oisif. Au début du XVIIIe, il n'y a en Amérique que trois localités qui méritent le nom de ville: Boston, New York et Philadelphie. Elles n'ont aucune communication entre elles. Elles n'ont de nouvelles les unes des autres que par les navires de Boston qui vont aux Bermudes ou à la Jamaïque chercher le sucre, la mélasse, le rhum, qui, soit à l'aller, soit au retour, font escale à Philadelphie ou à New York. Pendant l'hiver, aucune communication par mer et par terre n'est possible. Cet ensemble de circonstances défavorables n'empêche pas pourtant les journaux de naître sur le continent américain. 1638, un ministre dissident d'Angleterre, le révérend John Glover, envoie en présent à l'université que les colons viennent de fonder à Cambridge un assortiment de caractères d'imprimerie. Les marchands d'Amsterdam, par pure charité et en vue de venir en aide à la foi protestante, donnent à l'université une somme de 40 livres sterling pour acheter une presse. Des souscriptions font le reste. Parmi les premiers colons se trouve un ouvrier imprimeur, Stephen Day, qui manœuvre cette presse, mais ne tarde point à succomber à la rigueur du climat. Thomas Green, à qui on doit la publication de quelques écrits de théologie et de quelques livres classiques pour l'université, est vraiment le premier qui introduit l'imprimerie en Amérique. Il a pour successeur non seulement son fils aîné, Barthélemy Green, longtemps le seul imprimeur de Boston, et qui doit y imprimer le premier journal américain, mais toute une lignée de petits-enfants qui propagent son art dans la Nouvelle-Angleterre. C'est au Campbell que revient l'honneur d'avoir organisé le premier service de poste, une création qui se fit longtemps attendre. Le 5 novembre 1639, l'Assemblée des colons du Massachusetts désigne, dans la ville naissante de Boston, la maison de Richard Fairbanks comme le lieu où seraient reçues en dépôt les lettres arrivées d'Europe ou à destination d'outre-mer. Fairbanks, rendu responsable des lettres remises à sa garde, reçoit un penny par lettre comme dédommagement de ses peines. Il semble que cette rétribution d'un penny était une lourde charge pour les premiers colons, car elle n'est pas toujours payée. Près de 40 ans plus tard, on voit les principaux marchands de Boston se plaindre du grand nombre de lettres qui sont perdues. Personne n'en veut prendre soin sans rétribution, alors on les entasse pêle-mêle sur une table, au milieu de la bourse, à la merci du premier venu qui veut s'en emparer. Sur la demande des commerçants, la Cour générale du Massachusetts nomme un dépositaire chargé de recevoir les lettres apportées d'outre-mer par chaque navire et de les faire remettre à leur destinataire. Il ne s'agit encore que des lettres venues d'Europe ou à destination d'Angleterre. De relations postales entre les diverses colonies, il n'en est pas question. Ce n'est que sous Guillaume III qu'on voit naître quelque chose qui ressemble à un service de poste. Nouveau chapitre. Eureka, se dit John. 1691. Un certain Thomas Neal obtint du roi l'autorisation d'établir dans les principaux ports des plantations des bureaux pour recevoir et expédier les lettres et dépêches suivant un tarif qui serait arrêté par les assemblées coloniales et à la charge de transporter gratuitement les correspondances relatives aux services publics. Les bénéfices éventuels de l'entreprise doivent revenir à Thomas Neal, mais l'administration et la nomination des agents est réservée à un directeur général désigné lui-même par le directeur général des postes d'Angleterre. Dans le Massachusetts, les recettes arrivent à peine à couvrir le tiers des dépenses. Le service y est organisé par l'Écossais Duncan Campbell. Et 10 ans plus tard, en 1703, on voit le directeur des postes, John Campbell, réclamer de l'Assemblée coloniale des mesures pour assurer l'observation du monopole des postes et une allocation annuelle pour couvrir l'insuffisance régulière des recettes. John Campbell, ne recevant pas le salaire attribué à ses fonctions, est obligé de faire marcher la poste à ses propres frais, a alors l'idée de publier un journal pour se créer une source de revenus et se faire un titre de plus à la bienveillance des autorités du Massachusetts. Le célèbre ministre John Cotton a importé d'Angleterre, en Amérique, l'habitude d'adresser le jeudi à ses paroissiens une allocution où il explique quelques points d'histoire ou de morale pris dans la Bible, ce qu'on appelle la leçon. Les colons prennent donc l'habitude de se rendre à Boston le jeudi. Aussitôt après la leçon, on se répand sur le marché pour causer des affaires de la colonie, pour échanger les nouvelles locales, pour s'informer des nouvelles d'outre-mer. Par la suite, on a fixé à ce jour-là le départ de la poste pour les autres colonies. Ce concours de monde, cette curiosité universelle, donne à John Campbell l'idée de son entreprise. Directeur des postes, il est le premier au courant des nouvelles d'Europe. Les courriers lui apprennent les on-dit de toute la colonie. Les jours de marché, sa maison ne désemplit pas de visiteurs qui viennent apporter ou retirer leurs lettres. Il se dit qu'il y aurait peut-être quelques profits pour lui à imprimer et à mettre en vente une feuille volante contenant les actes et ordonnances des autorités, les bruits de la colonie et le résumé des nouvelles d'outre-mer. C'est ainsi que naît le premier journal américain, le Boston Newsletter, dont le titre rappelle les feuilles manuscrites qui ont précédé les journaux et en ont donné l'idée. Quant à l'imprimeur John Campbell, lui, il n'a pas le choix. Il n'y a à Boston pas d'autre imprimerie que celle de Barthélemy Green, fils aîné de Thomas, imprimeur de l'université de Cambridge. Le Boston Newsletter est donc imprimé par Barthélemy Green. Le premier numéro paraît le jeudi 24 avril 1704. Il est probable que Campbell a reçu les encouragements des autorités locales, car en publiant le Boston Newsletter tous les jeudis, il remplit une sorte de service public. Non seulement il parle de sa mission, mais dans les nombreuses pétitions qu'il adresse à la Cour générale pour obtenir une subvention en faveur de la Poste, la publication de son journal est presque le premier titre qu'il met en avant. Depuis 2 ans, le pétitionnaire s'est imposé pour le bien public la charge et la dépense d'imprimer chaque semaine une lettre de nouvelles contenant les événements du dehors et de l'intérieur, et l'a publiée à un prix plus modéré qu'on ne le fait dans une partie de l'Angleterre, quoique les frais soient ici 4 fois plus considérables. Cependant, le pétitionnaire n'a point reçu encore un encouragement suffisant pour défrayer les charges indispensables de son œuvre. Pétition signée John Campbell, 1706. Les plaintes réitérées de Campbell montrent que son entreprise n'est pas des plus lucratives. Elle est en outre traversée par des malheurs. Le grand incendie du 9 octobre 1711, qui consume une partie considérable de Boston, détruit les bureaux de la poste, la maison que Campbell vient de rebâtir, son mobilier, la presse et le matériel d'imprimerie qu'il avait acheté. Campbell, sans se décourager, a de nouveau recours aux presses de Barthélemy Green et le Boston Newsletter n'éprouve aucune interruption. La collection en existe encore. Elle a été consultée par les analystes de Boston quand ils ont voulu écrire l'histoire de leur ville. Les feuilles sont numérotées, se succèdent régulièrement de semaine en semaine. Seul le format varie perpétuellement de l'in-folio à l'in-quarto et même à l'in-octavo. Campbell en donne ingénument la raison dans un numéro, le numéro 577. Si l'entrepreneur recevait un encouragement convenable, soit sous la forme d'un traitement, soit par un traitement suffisant de souscripteurs qui s'engageraient pour l'année entière, il donnerait une feuille par semaine pour répandre les nouvelles. Mais faute de l'un ou de l'autre de ces encouragements, il est réduit à faire de son mieux. John Campbell, 2 mai 1715. Quand la publication du journal coïncide avec l'arrivée d'un navire d'Europe, on donne une pleine feuille aux abonnés. On se réduit par économie à l'in-octavo quand les nouvelles chôment. Et peu à peu, les annonces viennent se joindre aux nouvelles. Elles finissent par rendre lucrative une entreprise d'abord onéreuse. 1718, Campbell est remplacé dans ses fonctions de directeur des postes, il n'en continue pas moins à publier son journal. Le Boston Newsletter est pendant près de 16 ans le seul journal américain, mais bientôt d'autres vont suivre. D'autres, dont la Gazette fondée par William Brooker, successeur de Campbell à la direction des postes. Le Boston Newsletter, ou comme on l'appelait habituellement en constatant son droit d'aînesse, le vieux journal, demeure une bonne affaire. Campbell ne va s'en défaire qu'en 1722. Il cède tous ses droits à son imprimeur, Barthélemy Green. Il vit encore 6 ans et la date précise de sa mort nous est donnée par le journal qu'il a lui-même fondé. Ainsi, on lit dans le Boston Newsletter du 7 mars 1728 « Lundi dernier, 4 courants, est mort ici à l'âge de 75 ans, John Campbell, écuyer, jadis directeur des postes en cette ville, éditeur du Boston Newsletter pendant de longues années, et l'un des juges de paix de Sa Majesté pour le comté de Suffolk. » Nouveau chapitre, un journal qui dérange. La Gazette de Boston se bornait à publier les ordonnances administratives, à enregistrer les faits locaux, les arrivages et le prix des denrées. Elle n'accompagnait les nouvelles d'aucun commentaire, ne soumettait les actes de l'autorité à aucune discussion. 7 mois après son apparition, on voit naître à Boston une feuille qui, au contraire, publie des articles originaux, intervient activement dans les affaires locales, mais qui va aussi pour la première fois mettre la presse aux prises avec la justice et attirer sur elle les rigueurs de la loi. Il y a alors à Boston un fabricant de chandelles nommé Josiah Franklin, homme intelligent et industrieux, instruit dans les matières théologiques, estimé de toute la ville pour sa probité rigide et sa piété. Fils d'un cultivateur aisé du comté d'Oxford en Angleterre, Josiah Franklin devient presbytérien vers les dernières années du règne de Charles II et, en 1682, lorsque l'on crut au renouvellement des persécutions contre les non-conformistes, il passe en Amérique. Arrivé à l'aisance par son industrie, Josiah Franklin envoie James, l'aîné de ses fils, faire dans la mère patrie, l'Angleterre, l'apprentissage du métier d'imprimeur. James revient d'Angleterre en 1711 avec une presse, des caractères et un matériel complet, puis s'établit à Boston. Josiah Franklin a été rejoint en Amérique par son frère Benjamin. Celui-ci s'était toute sa vie occupé de politique. Il avait employé une partie de sa fortune personnelle à faire collection de tous les pamphlets, de toutes les brochures relatives aux affaires d'Angleterre qui avaient paru de 1641 à 1717. Quelle collection ! 17 juillet 1721. 7 mois après la publication de la Gazette de Boston, on voit paraître le premier numéro du courrier de la Nouvelle-Angleterre. Un nouveau journal, au ton très différent de ce qu'on a lu jusqu'alors, composé exclusivement d'articles originaux, de courtes dissertations de morale ou de littérature. Les vices du temps y sont censurés avec verve, quelquefois avec brutalité. Le ton le plus habituel est celui de la satire. Dans ces satires, ni le gouvernement, ni le clergé puritain ne sont ménagés. Il n'y a certes aucune attaque personnelle, aucun nom propre dans le courrier. La critique demeure presque toujours générale, mais elle arrive parfois à la rudesse et à la violence et ne déteste pas non plus les gros mots. Les Franklin, comme on s'en doute, vont se faire immédiatement beaucoup d'ennemis. La suprême influence dans la colonie appartient encore au clergé presbytérien. Aussi, quoique la ferveur religieuse est loin de s'assoupir, un certain nombre d'esprits commencent à s'impatienter de cette omniprésence. Les ministres défendent énergiquement leur pouvoir contesté. Ils menacent volontiers de recourir à l'emploi de la force, à l'exil et à la persécution pour rétablir l'unité de foi et ramener le respect de leurs décisions. Une intolérance passionnée est encore un trait distinctif du puritanisme. Mais les Franklin, eux, ont de tout autres idées. Nouveau chapitre, crise de foi. Pas Par tradition et par principe, les Franklin étaient les adversaires du joug que la chair faisait peser sur la population et surtout de la contrainte morale, de l'hypocrisie que devait s'imposer quiconque avait une étincelle d'ambition. Ils vont faire la guerre aux faux dévots et à la confusion du sacré et du profane. Aussi, ils ne vont point tarder à être considérés comme des impies, comme des ennemis du Seigneur, et les réunions qui ont lieu chez James Franklin vont être baptisées bientôt du nom de Club des libres penseurs et même de Club des diables d'enfer. Le doyen des ministres puritains, Increase Mather, est alors âgé de 80 ans. Il a été au nombre des premiers souscripteurs du courrier, mais dès le troisième numéro, il y reconnaît l'inspiration de Satan et il refuse désormais de le recevoir. Les choses dégénèrent quand le courrier entre en lutte directe avec le clergé sur une question médicale. Les ministres recommandaient chaudement la pratique de l'inoculation. Les médecins, eux, la combattaient comme une innovation dangereuse et le courrier, sous prétexte d'impartialité, va se mettre au service de ces derniers. La passion populaire se met de la partie. Le doyen Increase Mather ne peut y tenir et le 24 janvier, il rédige dans la Gazette de Boston une véritable excommunication contre le courrier. Elle se termine ainsi. Moi, qui ai vu ce qu'était la Nouvelle-Angleterre à ses commencements, je ne puis qu'être confondu de la dégradation de cette terre. Je me souviens du temps où le gouvernement civil aurait pris des mesures efficaces pour supprimer un pamphlet maudit comme celui-là. Et je dois en conscience inviter les abonnés du courrier à réfléchir aux conséquences d'être complices des crimes d'autrui et à ne plus soutenir ce journal de perdition. Les Franklin vont s'empresser de réimprimer l'excommunication du doyen Increase Mother avec tout son luxe de capital et d'italique comminatoire. Ils répondent sur le ton du badinage et 15 jours après, ils l'informent malicieusement ainsi que le public qu'il leur est venu 40 nouveaux abonnés depuis le commencement du mois. Ils avaient jusqu'ici les rieurs de leur côté, mais ils ne doivent pas braver impunément un parti qui est en possession du pouvoir. James Franklin est cité devant la Cour générale et condamné à la prison. Coupable d'avoir publié des articles contenant des réflexions audacieuses sur le gouvernement de Sa Majesté, sur l'administration de cette province, sur le sacerdoce, les églises et l'université, qui tentent à remplir de vanité l'esprit du lecteur au grand déshonneur de Dieu et au détriment des bonnes âmes. Cette condamnation de James Franklin est surtout remarquable en ce qu'elle est l'œuvre du pouvoir populaire. C'est la Cour générale qui s'arroge le droit de juger et de condamner l'écrivain. Et elle le frappe non seulement sans l'intervention du jury, mais sans aucune forme de procès, sans débat contradictoire et sans dire où elle puise cette autorité. C'est la première affaire où la liberté de la presse se soit trouvée en jeu en Amérique. James Franklin va demeurer un mois en prison et le courrier, dirigé alors dans cet intervalle par le jeune Benjamin, qui s'est trouvé l'occasion de donner sur les doigts à leurs adversaires, selon ses propres mots. James, qui de sa prison encourage les vivacités de son frère, est loin de songer à modifier le ton de son journal. Le premier numéro, publié après sa sortie de prison, paraît avec cet épigraphe tiré d'un sermon célèbre du temps. Et voici qu'après avoir anathématisé un homme et l'avoir abandonné au démon, quand le démon n'a pas pu ou n'a pas voulu le prendre, ils envoient le shérif et le geôlier ramasser les restes du démon. 6 mois ne se sont pas écoulés que James Franklin se voit un second démêlé avec la Cour générale. L'accusation s'empare cette fois d'un article sur l'hypocrisie. où l'on maltraite les hypocrites de toutes sortes, mais où il n'est fait mention d'aucun nom propre ni d'aucune classe de personnes. On a raison de dire que la religion est la chose essentielle, mais trop de religion est pire que pas du tout. Le monde regorge de fourbes et de scélérats, mais de tous les fourbes, le pire est le fourbe religieux. Et les scélératesses commises sous le manteau de la religion sont les plus exécrables de toutes. C'est que le pays tout entier porte la peine à des coquineries de quelques loups revêtus de la peau d'agneau. Et grâce à eux, nous sommes représentés partout comme un ramassis de fourbes et d'hypocrites. Voilà l'article qui met en émoi toute la ville de Boston et soulève la colère de la législature du Massachusetts. L'article coupable paraît le lundi 14 janvier 1723. Le soir du même jour, la Chambre basse de la Cour générale nomme une commission pour étudier l'affaire et présente un rapport et des conclusions. Le 15, le rapport est fait et les conclusions votées. Le 16, le bill est adopté par l'autre chambre et sanctionné par le gouverneur. Et il est signifié le 17 à James Franklin. Le rapport de la commission existe encore dans les archives législatives du Massachusetts. Il est ainsi conçu. La commission nommée pour prendre en considération le journal intitulé « Courrier de la Nouvelle-Angleterre » est publié le lundi 14 de ce mois est humblement d'avis que la tendance du journal est de tourner la religion en ridicule et de déverser sur elle le mépris. Pour prévenir le retour de semblables dédits, la commission propose humblement qu'il soit fait à James Franklin, imprimeur et éditeur du dit journal, sévère défense d'imprimer ou de publier le courrier de la Nouvelle-Angleterre, ni aucun pamphlet ou journal analogue, sans l'avoir soumis d'abord à la révision du secrétaire de cette province. La peine dont on frappe James Franklin est hors de proportion avec l'offense commise. L'opinion publique en juge ainsi dès lors. Non seulement il n'y a pas de liberté possible pour la presse, mais il n'y a plus de sécurité pour aucun citoyen si les assemblées législatives usurpent le pouvoir des cours de justice et s'arrogent le droit de rendre des arrêts en dehors de toutes les formes consacrées. André Bradford, qui publie à Philadelphie le Mercure américain, reproduit dans son numéro du 26 février le texte de la décision rendue contre Franklin et fait suivre ce document de cet article. Ce vote contre le courrier est propre à faire croire aux gens mal informés que l'Assemblée du Massachusetts est entièrement composée de tyrans et de bigots qui font de la religion l'instrument même de la ruine du peuple. C'est l'opinion générale dans le Massachusetts que quelques-uns des hommes au pouvoir n'y ont été élevés que pour être comme une verge entre les mains du Très-Haut et châtier les péchés du peuple. Post-scriptum. Des lettres particulières de Boston nous informent que les boulangers de cette ville appréhendent de n'avoir plus permission de faire et de vendre du pain sans soumettre préalablement la pâte à l'inspection et aux balances du secrétaire général. Demain vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. Face aux attaques de Donald Trump contre la presse, les médias critiques comme le New York Times ou le Washington Post misent sur la qualité de leurs informations et la fiabilité de leurs sources. Un bras de fer dans un environnement toujours plus tendu. Les garde-fous de la démocratie, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté.